J'ai vu l'auteur jour une servante, qu'un garçon lit par l'eau d'amour. Elle dit j'autre, je n'ai point chat qui me tente. Croyez-me si je vous rôde tous les jours. J'arques amoureux par douzaines, quoique point bielge, quasiment un goût. Je ne veux point d'un conte de tartaine, un cigarchon, je ne veux point de vous. Mon Dieu, non, je ne veux point marier, si, avec un garçon boulanger. Je dimanche et les jours de fiette, quand je pince rôde à les promener. Vous trouveriez à redire sur une toilette, sur mes coches et sur ma bonnet. D'abord, il y a longtemps que j'ai connu qu'une femme a du mal s'arranger pour qu'on plaire à tout chez Nunu, chez Nunus, garçon boulanger. Mon Dieu, non, je ne veux point marier Cilix avec un garçon boulanger. Méchante fille, vous êtes un erreur, car je ne suis point méchant garçon. Pour vous plaire, je frotte tout bon cœur, et j'ai du courage comme un lion. Au matin, il faut de trois heures, vous me verrez courir au pétrin. Et mais je me passe trop du bonheur, j'ai bien chat qui ne me convient point. Mon Dieu, non, je ne veux point marier Cédric avec un garçon boulanger. La chien qui me donne rôle la colique, si Marie-Ro, un boulanger, inhalant servir ses pratiques, j'ignore autre chien qui peut arriver. Car toutes les femmes ne sont point saintes, je me rappelle d'un vieux caillambour, qu'on vous dit tout riant charade, honche l'occasion tous les jours. Mon Dieu, non, je ne veux point marier si avec un garçon boulanger. Je dis point que chasse trop par malice, car gramins de sont trop balous. Mais sitôt qu'on parle d'une bêtise, on les vaut de faire des yeux beurre-loup. Mais je n'ai point d'un ma caractère, gramins cajoler un garçon. Mais je ne vaudrai point qu'un commère, qu'une âme table, manger une portion. Mon Dieu, non, je ne veux point marier si avec un garçon boulanger. Un fin garçon pour infini, vous n'avez rien qui peut me tenter. Bien qu'un vous fêtiant, il faut rire tant que vous avez l'air débêté. Allez dire à vos camarades vieux compliment que vous avez reçu, et que je les envoie une main plate si l'on démappe ou en mets-tu dessus. J'aime mieux rester fille qu'à marier avec un garçon boulanger.